Voilà, donc je donne la parole à Sébastien. Il y aura des extraits et ensuite, voilà, on passera à proprement parler à la table ronde. Et bien sûr, dans un dernier temps, une discussion avec la salle très, très importante. On va essayer de tenir le planning. Je te donne la parole, Sébastien. Merci, Hélène. Donc, poser le contexte, je vais plutôt essayer de lancer quelques pistes de réflexion qui ont été les nôtres pour la préparation de cette séance. Poser le contexte des débuts de la vidéo en France, qui coïncide avec l'apparition d'un matériel léger et portable autour de l'année 68. La période qui nous a intéressés pour cette première séance, c'est une période qui court, disons, de la commercialisation en 1967 de la première version du Portapak à l'apparition du premier collectif, disons 1970-71, avec Video Out et Video 00. Alors je disais que le Portapak a été commercialisé en 1967. C'est donc la possibilité d'avoir accès au premier enregistreur portable demi-pouce pour le grand public. C'est assez tardif si l'on compare par exemple avec les États-Unis, où la commercialisation du Portapak date de 1965, ce qui avait permis à un certain nombre d'artistes de pouvoir réaliser leur première bande vidéo. Il faut également indiquer que les expérimentations qui vont avoir lieu autour de 68 sont à inscrire dans le courant de contestation postérieure aux événements. Il faut savoir que les événements de mai et juin 68, sauf preuve du contraire, ont été exclusivement filmés en pellicule argentique. Mais les premiers usages militants de la vidéo s'inscrivent dans le prolongement immédiat de l'expérience des états généraux du cinéma. Les états généraux du cinéma, à mon sens, c'est l'un des événements marquants de cette année 68, une expérience exceptionnelle à plus d'un titre, tout d'abord par la mobilisation des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel pendant les semaines de mai-juin 68, par la tentative aussi de rendre compte des événements en cours au moyen du film, puisqu'un certain nombre d'équipes de réalisation vont se constituer pendant les événements de mai 68 pour tenter de rendre compte des mouvements de contestation étudiants et ouvriers dans les rues, dans les usines, dans les universités, et exceptionnel également par la tentative de définir une ligne politique et une conception du cinéma militant qui va également peser sur la suite. Cette question de filmer les événements en cours, c'est une question qui est en fait assez problématique lorsqu'on envisage les événements de mai 68. L'ambition était de pouvoir réaliser un film de synthèse sur les événements en cours, dont chaque chapitre serait réalisé par différentes équipes. Il y avait également à côté, je dirais, de ces équipes engagées dans le mouvement des états généraux du cinéma, des actions, des projets individuels ou collectifs parallèles, les premiers collectifs qui se sont constitués dès l'hiver 1968. Je pense par exemple au groupe ARC, mené par Jacques Kébadian, Michel Andrieux, Jean-Denis Bonan. Je pense également au groupe Chalon-Jesbert-Gosselin, qui lui va reconduire des engagements menés pendant la guerre d'Algérie. Et puis il faut également insister sur la présence d'opérateurs amateurs, militants grévistes, militants syndicaux, qui vont également rendre compte par la caméra du mouvement social que connaît la France, qui est exceptionnel par son ampleur, sa durée et ses enjeux. Alors un point commun entre ces différentes pratiques que je n'aurai pas le temps de détailler ici, c'est que l'ensemble de ces tournages ont été faits sur support argentique, en 35 mm, c'est assez rare, en 16 mm, c'est le format, disons, généralisé, et en format substandard pour les amateurs. Ce qui apparaît aussi avec les états généraux du cinéma, c'est la tentative de définir aussi une ligne de cinéma militant. Alors vous voyez ici la couverture d'un des bulletins des états généraux du cinéma. Il y en aura trois qui vont être édités par les éditions Eric Losfeld de Terrain Vague entre juin 68 et décembre 68, qui vont tenter de dégager les grandes lignes d'une conception du cinéma militant. Les états généraux du cinéma avaient notamment fait du mot d'ordre « Par ailleurs, le cinéma est une arme », leur devise. Ils reprenaient ainsi une formule célèbre d'André Malraux, « Par ailleurs, le cinéma est une industrie ». cette conception du cinéma, au fond, était assez nouvelle, puisque l'image filmée n'était plus simplement projection du discours, mais discours et action, geste cinématographique et geste révolutionnaire. Alors, il est intéressant justement de consulter ces différentes brochures qui ont été éditées au cours de l'année 68, parce qu'elles imposent au fond un autre modèle de création politique des images, création politique collective, mettant à bas les hiérarchies professionnelles et remettant en cause les notions d'auteur et d'œuvre. On peut lire, je vous donnerai une citation simplement qui est donnée dans le bulletin numéro 3 des États généraux du cinéma. La réalisation des films tournés en mai et par la suite dans la même lignée a été un engagement politique des équipes qui ont travaillé dans le cadre des États généraux. Le terme « équipe » englobe aussi bien les techniciens de cinéma que les travailleurs, étudiants, protagonistes qui ont permis la réalisation de ces films à un titre ou à un autre. Alors, c'est dans ce cadre-là, finalement, de l'année 68, des États généraux du cinéma et de ses prolongements que l'on voit apparaître, disons que la vidéo militante semble faire ses premiers pas. Au fond, elle s'inscrit dans une volonté des États généraux du cinéma, c'est-à-dire de défendre l'idée d'un cinéma comme moyen de contre-information produit en dehors du système commercial. Je reprends une formule des États généraux du cinéma. L'information est en soi prise de conscience et lutte. Au fond, il y a cette démarche-là qui est présente dès l'automne 68. C'est ce que nous avait expliqué Anne-Marie Duguay dans la séance introductive du séminaire. Comment la vidéo proposait une nouvelle écriture, une nouvelle approche du quotidien et une démocratisation de l'emploi des médias face aux discours dominants, notamment la télévision. Alors on pourrait proposer trois lectures par rapport à ces premiers pas de la vidéo militante. Tout d'abord, au regard de l'expérience déçue du film de synthèse des États généraux du cinéma. C'est ce que constatait Hélène Châtelain dans une table ronde organisée en 1975 par la revue Écran sur justement les limites des tournages en 16 mm. Je la cite « Mai 68 a été pour moi un traumatisme en ce sens que l'on a accumulé un important matériel filmique qui n'est pas sorti à temps. Les cinétractes auraient dû sortir sur le champ, or ils ne sont sortis qu'en septembre 68. Pourquoi ? Parce que les laboratoires étaient bloqués. J'avais aussi fait partie d'un groupe de diffusion cinéma monté sur un camion en 68-69, le groupe Camion. Nous avions fait un film qui s'appelait « Les bords de l'Erdre » que nous avions monté sans Moviola. À vrai dire, nous avions été totalement traumatisés par les professionnels du cinéma en 68 que nous ne voulions plus rien avoir à faire avec eux. Je me souviens qu'on montait le son avec un maître de couturière, c'était fou. » Donc on voit là, finalement, d'une certaine manière, que la vidéo serait aussi une réponse à cet échec des États généraux du cinéma, échec du film de synthèse, qui n'a pas pu se faire précisément en raison de la grève des laboratoires, de la difficulté, au fond, de peser immédiatement sur les événements, et également des divergences qui ont pu intervenir au lendemain de mai 68. On peut percevoir également ici les spécificités de la vidéo par rapport à la technique du cinéma. Un appareillage sans doute moins compliqué, le son synchrone, le poids léger des caméras, un prix relativement bas si l'on tient compte de la possibilité d'enregistrer et d'effacer, un retour immédiat, contrairement à l'argentique, et l'indépendance du travailleur en vidéo à l'égard des institutions, notamment des laboratoires. Il faudrait finalement évoquer une deuxième piste de lecture, on le fera dans les échanges, au regard du rôle de découvreur que vont jouer Jean-Luc Godard et Chris Marker. Ils ont été très importants dès 68 à travers l'expérience des cinétractes, mais leur rôle au regard de la vidéo est là aussi extrêmement marquant. Pour citer l'exemple de Jean-Luc Godard, l'expérience qu'il va mener au Québec dès 1968 à travers des ateliers de télévision populaire dont parle précisément Antoine Debecq dans sa biographie, le magazine de contre-culture Vidéo 5 à la librairie François Maspero que l'on va évoquer, et surtout finalement un rôle de circulation du matériel vidéo auprès des ouvriers de la Rodiaceta à Besançon ou des ouvriers de Flins. Enfin, on peut aborder une troisième piste de lecture de ce premier pas de la vidéo au regard de l'oubli qui entoure ces premières expériences. Les premiers sondages que l'on a pu faire dans la presse de l'époque de notre côté montrent qu'il y a très peu d'articles au fond sur la vidéo entre 68 et 70. C'est beaucoup plus tardif dans les revues professionnelles et les revues amateurs. Beaucoup de productions de cette période ont été perdues ou détruites. On a aussi une très grande méconnaissance d'autres expériences indépendantes menées simultanément. à l'atelier des techniques de communication autour de Jean-Marie Serrault, à l'Université Paris 8 et à l'École nationale des beaux-arts, ou à l'immeuble Maine Montparnasse à Paris, qui est une première tentative de télévision sauvage, télévision de quartier. Et enfin, un dernier point qui est revenu aussi dans nos échanges, notamment avec Jean-François Dars et Anne Papillot, sur le discrédit aussi qui entoure ces premières expériences militantes, mal reçues pour des questions techniques, la qualité, l'insécurité liée à l'appareillage, et aussi mal vues par les cinéastes militants. Et je crois que c'est une question finalement qui se pose en termes de professionnalisme et d'amateurisme autour de ces premiers temps.